solution à ce qui brûle en moi. S'il n'y a pas d'autre solution à ce qui me ronge, à se sentir si mal, à se sentir si bas, à ne plus savoir quoi faire de ce mal, à se laisser aller. Pas d'autre solution à ce qui brûle en moi. S'il n'y a pas d'autre solution à ce qui me dissout, il faut laisser sortir la bête. Je n'y peux plus rien. Et quand des tréfonds elle remonte et qu'elle veut m'échapper, il faut dompter la bête. Je peine de plus en plus quand du ventre elle remonte et qu'elle veut m'échapper. Je me tords pour empêcher sa lente remontée qui me laboure le ventre et m'envahit la tête. Il n'y a pas d'autre solution à ce qui grandit en moi. S'il n'y a pas d'autre solution à ce qui m'envahit, je n'ai pas d'autre solution. Solution.